champ de la Fontaine, partout tu nous entraînes avec tes chats, tes loups et tes lapins. Champ de la Fontaine, tu sais combien je t'aime, et tes chansons, moi j'en connais tout le refrain. Si les flatteurs n'ont pas mes honneurs, c'est que maître corbeau s'en fout, fromage et nigo. Si les chansons décorent ma maison, c'est que la cour cigale a pris le chemin du bas. Jean de la Fontaine, partout tu nous entraînes, avec tes chats, tes loups et tes lapins. Jean de la Fontaine, tu sais combien je t'aime, et tes chansons, moi j'en connais tous les refrains.